De Claire Brotéché, adapté par Christelle Vumser. Troisième épisode. Saute dedans, Zardine. Voici ta boîte. Agrippine ? Agrippine, qu'est-ce que tu fais encore en petite culotte ? T'as vu l'heure ? Oh, maman, on est dimanche. Oui, et j'ai invité mamie à venir bruncher avec nous. Tu as quoi ? Dispense-moi de tes commentaires. Il faut tirer un trait sur cette brouille idiote entre elle et toi. Je compte sur tes excuses et sur ton amabilité. Attends, mes excuses ? Rompez ! Sinon, je drague un vieux qui fouillera dans ta chambre, lira tes mails et reniflera tes culottes. Maman, enfin. Enfin, toi-même. Ça fait combien de temps que t'es pas venue me voir ? T'as oublié mon adresse ? Maman, tu sais ce que c'est, le boulot. Toi-même, t'as travaillé 2 mois à mi-temps en 64. Merci d'être venue. Il faut absolument tirer un trait sur cette brouille avec Agrippine. Es-tu vraiment au courant des monstruosités que t'as... Elle regrette beaucoup. Accepte ses excuses et on n'en parle plus. C'est bien pour te faire plaisir. Alors, dis-moi, où est ton odieuse progéniture ? Mamie, bonjour mamie. Oh, bonjour mon petit biron chéri. Mais comme t'as de jolies boucles d'oreilles. Eh, regarde, t'as vu mes bracelets ? Dis-moi, sans vouloir insister... Il me semble qu'il manque quelqu'un au comité d'accueil. Elle arrive, elle finit de s'habiller. Entre, assieds-toi. Agrippine ! Qu'est-ce que je te sers, maman ? Tu carbures toujours au Glenmorangis ? Agrippine ! Non, je me suis convertie au Braise Malt. Mais je peux m'adapter, hein, je peux boire n'importe quelle saloperie. Qu'est-ce que t'as là ? Ouais, parfait. Sers-moi un verre, ce sera très bien. Oh, mais regardez qui voilà ! Princesse Agrippine en personne. Quel honneur ! Bonjour, mamie. Et je te prie d'accepter mes excuses. Termine ta phrase, Agrippine. J'ai pas bien entendu. Je te prie d'accepter mes... Tu as vu ce qu'elle a oublié ? Tu as vu ? Ce sont mes boots ! Mes miennes à moi, mon tatou à moi, que ça me stresse le poil rien que de la regarder ! Elle est venue que pour ça, que pour me narguiller avec. Jamais je lui présenterai mes excuses. Jamais ! Mais enfin, maman, que s'est-il passé entre vous ? Il est où, ton mari ? Encore en train d'apprendre à lire à une huître, je suppose ? Je t'ai déjà expliqué 100 fois, maman. Il ne leur apprend pas à lire. Il écrit un ouvrage sur elle. Passionnant. Dis, mamie, tu me prêtes tes chaussures ? Quand est-ce qu'on mange ? Hé, bergère, pourquoi tu décroches pas, là ? Je te dis pas comment j'ai la rage en fleurs. Faut que je te raconte le délire que mamie vient de me faire, là, je te jure, tu vas pas le croire. J'espère que t'es chez toi, parce que je vais passer, je t'annonce. Sauf que c'est la galère avec les délibes, là. Déjà, en sortant de chez moi, j'ai fait 3 étals avant de trouver une pauvre cotette qui traînait et que personne n'en avait voulu, parce que la selle, elle est traviole, ça fait mal au cul, je te dis pas, là. Faut que je pédale le profil pour pas que ça me déchire les cuisses. Y'a un gros meuh qui a voulu me la piquer de façon séconde, mes délibes. Ouais, ça permet de draguer un vieux cochon, là, au moins 30 balais, tu vois, genre. J'aurais dû lui laisser la bécane, à côté slip, ça lui aurait calmé l'ardeur. Et dis donc, ça a l'air fun, comment on fait, il m'a dit. On sort les doigts du cul, papy, je lui ai répondu. Faut pas me brouter, là, aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Allô ? Je crois que ça a coupé, là. Allô ? Putain, et pourquoi ça coupe, là ? Hé ! Tu vas te pousser, oui ? Ah, hé, ça va pas, non ? Un passage coupé, c'est pas une arme de stationnement, t'as piéton. Faudrait voir à circuler. Allez, là, on se dépêche. Oh, faudrait faire attention. Bah, quand on a une poussette, on descend pas du trottoir sans regarder. Oh, mais ça va, mais je sais que ça, c'est interdit, là. Et alors ? T'as jamais roulé en sens interdit, peut-être ? Madame ? Oui ? Madame, s'il vous plaît, oui. C'est où les travers de port les plus proches ? Pardon ? C'est où la station VIP la plus proche ? Ah, bah, il y en a partout. Rue du Général Surp, tout de suite à droite. Ou alors à gauche, rue Crétinet. Putain, bergère, pourquoi tu décrochais pas ? Dis donc, j'arrive pas à caser ma putain de côte de porc à l'étal, là, qu'est-ce que je fais, là ? Oh, attends, y'a un bouffi qui a l'air de kiffer la charcuterie, là. Je garde ma côtelette et je te rappelle. Hop, gardez-moi la place. Allô, vieille fausse à purin ? Je suis en bas de chez toi. Mais qu'est-ce que tu fais à part t'astiquer le pédigré ? Qu'est-ce que t'as foutu tout ce temps ? Depuis hier soir, je t'ai laissé 3000 textos. T'as débranché ou quoi ? Mais comment ça, tu m'as envoyé 3000 textos, mais je... Attends. Quoi ? Attends une seconde, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Putain, je crois que je suis atteinte d'hallucinations oculaires. Un vélo qui vole dans sa gloire, t'as déjà vu ça? Je m'en suis pris en pleine gueule, pas plus tard qu'hier. Si tu lisais tes textos, tu serais au courant. Ah mais le tien, il volait pas. Tiens, comment qu'il volait? Un putain de vol plané, tu veux dire. Tu veux dire, le petit vélo que je vois là, au-dessus des cheminées, dans un nuage doré avec une écharpe rose, il est pas seulement dans ma tête. Il existe pour de vrai, et toi tu l'as déjà rencontré hier. Oh, bâti au ciel, le joli vélo. Bouh, en enfer les vilaines autos. Dis donc, toi, c'est le Tour de France en entier qui t'a explosé à la tronche? Oh, tu sais, Bergère, j'ai tellement de problèmes en ce moment, tellement de problèmes. Coucou, Bergère, c'est moi. Pas de panique, c'est que moi. T'es là? Où tu veux que je sois, morue? Mais super le coup des clés cachées sous la poubelle jaune dans la cour. T'oublieras pas de les remettre en partant? Sinon, c'est trop galère pour ceux qui montent sans prévenir. Faut que je me traîne avec mon plâtre jusqu'à la porte, trop lourd. Pff, j'arrive à peine à le soulever. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Oh, rien. Juste un bus qui a foncé sur un vélib, qui a fait un vol plané et qui m'a cueilli en souplesse. Le genre de truc où tu te dis que t'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais j'ai eu la baraka parce que le gars sur son vélo, on a retrouvé des bouts jusqu'au Trocadéro. Est-ce qu'il avait une écharpe rose? Arrête les alus, Agrippine. Non, on sait jamais. Peut-être que c'est lui que j'ai vu dans le ciel. Peut-être que ça veut dire qu'il arrive au paradis. Il y en a des histoires comme ça. Des histoires de gens qui ont envoyé une carte postale pour dire qu'ils étaient bien arrivés? T'as eu mal? Je te dis pas la douleur, comment j'ai voulu mourir. Puis y a pas que la jambe. T'as vu ma tronche? Ouais, t'as un giga cocard. Ça te fait un peu une tête de merlan qui s'est cognée dans un banc d'huîtres. Et t'as vu là? 3 points de suture. Oh la classe. La vraie pitié, ce que j'ai souffert. Tiens, je suis passée chez la durée, je t'ai ramené des macarons. À boule de macarons. De toute façon, j'ai plus qu'à grossir, je peux pas bouger. Oh super, tu m'en as laissé deux. Ouais, et encore, j'ai lutté, hein, j'ai failli t'apporter la boîte vide. Mais remarque, elle est jolie. À part ça, qu'est-ce qui se passe chez les vivants? Rien. Et sinon? Mes darons divorcent. Bon, ta mère n'est pas première dame de France. C'est pas ce qui va agiter le blic purée. Ouais, mais maintenant qu'ils ont décidé de divorcer, ils s'aiment, ces bourrins. T'imagines? Youpi pour eux. Et toi, les amours? Bon, rien. Je fatigue avec Amour bouche bée. L'autre jour, je me plante devant lui en shorty dentelle, il a même pas levé les yeux de son Spinoza. Ah oui? C'est comme Boudou la frisette. L'autre jour, elle arrive, elle pleure toutes les larmes de son corps parce que son Jules branlot, il passe son temps sur internet à draguer des gros cajots. Et elle, il lui adresse pas la parole. Elle a qu'à le larguer. Mais c'est ce que je lui ai dit, fais-toi pas chier là. Bah ouais. Alors elle s'est mise à glapir, que c'est pas question, parce qu'elle est folle amoureuse. Fèche. Alors il y a Boudouille Casquette qui s'est mise à chialer ses tripes, que c'était comme elle avec Melfried Potatoes, qui m'a des DVD hard jusqu'à 4h du mat. Et là, au lieu de lui gratter le dos, il s'aplatit sur l'oreiller et il ronfle. À laquelle larguer? Mais c'est ce que je lui ai dit. Fais-toi pas chier, largue. Bah ouais. Alors c'est le grand Duduche qui a pris la relève. Il a commencé à se plaindre que Mélopé le Groin ne l'a jamais son portable, même quand ils bouillavent ensemble. Mais alors je lui ai dit, mais putain, mais larguez-moi tout ça, bande de larves. Et voilà qui me dit, mais t'es mariole, toi, hein. Largue, c'est tout ce que tu sais dire. Tu crois que c'est facile? Remarque, il a pas tort, hein, le grumeau. Comment ça, il a pas tort? Moi? L'être que j'adorais à la folie, avec qui je ne faisais qu'un, dont j'exauçais les moindres désirs. Maintenant, je ne peux plus l'encadrer, je le hais, il me donne de l'urticaire. Tu parles d'Amour bouche bée, là? Mais pas du tout. Ah bon? Il y en a un autre? Mais tu m'en as jamais parlé. Eh ben, j'arrive pas à casser avec lui. Je connais, c'est qui? C'est moi. Oh. Quoi d'autre? J'ai vu un film. Mais hein? Bon, comme un film. Raconte. C'est une accidentée de la vie qui a un trou dans la transparence de ses racines. Et à travers sa quête d'authenticité dans l'Antarctique, elle rencontre... Si je te fais chier, faut me le dire. Non, c'est pas ça. Mais quand on est bloqué chez soi avec le plafond pour tout horizon, on croit que ceux qui sont dehors, c'est que la tadonf, qu'ils vivent des trucs de ouf, que c'est le nirvana. Tu me fais une petite place sur ton sommier de jeune fille? Pousse-toi, Bergère, fais fort. Je suis sûre que c'est pour ça que mamie m'a piqué mes boots. Ton aïeul t'a piqué tes boots? Je suis sûre que c'est parce que sa vie est aussi plate que ton plafond. Eh oh, il est pas si mal mon plafond. Alors raconte, c'est quoi cette histoire de boots? Alors, toujours intermittent, Jean Million? Je suis fier de l'être, maman. M'appelle pas Jean Million. Ah non, ah non. Sauf que je risque de perdre mes acédiques. Ils ont changé le système, j'ai du mal à avoir mes heures. Bah, faudrait que tu bosses, quoi. Remarque, j'ai gardé le chien du chef-op pendant son tournage. Ça m'a fait pas mal d'heures. Mais ça suffira pas. J'ai une idée. trouve une idée qui déchire pour la télé. Justement, j'ai pensé à un concept qui enverrait un max de pâté, mais j'aurais peut-être besoin de ton aide sur ce coup-là. Combien ? Arrête, maman. Tu crois toujours que je veux te taper ? C'est énervant à la fin, quoi. Excuse-moi. Le truc, c'est qu'il y a une carence eschatologique de ouf dans la culture populaire, et on sait bien pourquoi. Or, à mon avis, c'est là qu'est le créneau. J'ai toujours su que mon fils fera un tabac un jour. Je t'en reparlerai en temps et en heure. Si t'avais 2 ou 3 000 euros en cash, ça me dépannerait. Tiens, mon petit Jean mignon. Justement, je suis passé à la banque. Merci, maman. M'appelle pas Jean mignon. Non, Jean mignon. Maman. Quoi ? M'appelle pas Jean mignon. Pourquoi tu veux aller, Jean mignon ? Pourquoi tu veux aller ? Dans les bas-fonds. Mais pourquoi je traînerais dans les bas-fonds ? Si c'est ta voyante qui te l'a dit, elle clignote dur sous l'Oréal, celle-là. Hein, hein, je vais voir mon AGM. AGM. Mais ça veut dire arrière-grand-mère, mon gars. Pourquoi je vais la voir ? Parce qu'elle te ressemble pas. C'est très drôle. Et je rigole. Elle s'appelle Zonzon. C'est cool, non ? Quartier hyper pépère, over propre, une autre époque, hein. Luxe, calme, volupté, y a aucune craderie sur les... Putain, c'est quoi ça ? Non, rien, je te rappelle. Qu'est-ce que c'est que ces graffitis de ouf ? Zon, zon... Mais c'est quoi ce délire ? Bienvenue au Qui est pour prix. Bienvenue au Qui est pour prix. Bonjour madame, je vais voir mon arrière-arrière. Elle sera contente. Dites, vous avez vu vos murs à l'extérieur ? Oh, ne m'en parlez pas. Graffer une maison d'harmonie, mais c'est overnaz, putain. Oh là là, à qui le dites-vous ? Une honte. Et on sait qui a fait ça ? En tout cas, on sait à qui on peut poser la question. Et à qui on peut poser la question aujourd'hui ? Oh, ça, je vous laisse deviner. Moi, je n'ai rien dit, hein. Qu'on ne vienne pas me dire que je ne sais pas tenir ma langue. Vous trouverez Madame Zonzon au jardin avec ces dames et avec ce monsieur. Vous connaissez le chemin ? Je vous laisse. On sait à qui on peut poser la question. Ça veut dire quoi, ça ? Mais je la vois pas. C'est vrai qu'elle est toute petite, mais quand même. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je cherche mon arrière-arrière. Oh, oh, oh, oh. Des arrière-arrière ? Il y en a un paquet dans le coin. Vous êtes à la bonne adresse, pour ainsi dire. Mais elle s'appelle Zonzon. Ah, non, je vois pas. Elle est toute petite. Oh. Oh, ce serait pas celle qui fait du coloriage ? Ah. Oui, vous savez, elle se promène toujours avec une poussette. Ah, la petite nouvelle, vous voulez dire ? Oui. Regardez si vous ne trouvez pas une poussette. Normalement, elle se tient derrière. Je sais pas si c'est très prudent, parce que naturellement, on ne la voit pas. Une poussette ? Oh, est-ce que par hasard... Zonzon ? Bah, Zonzon, c'est toi ? Oh bah ouais, je t'ai trouvé ! Je suis Agrippine. Tu te souviens, ton arrière-petite-fille ? Mais c'est pas grave, ça va te revenir. Ah, bonjour, langoustine. C'est à quel sujet ? Je viens te dire que j'ai pas le droit de te dire que mes parents divorcent, parce que si je te le disais, ça te bouleverserait. Bon. Mais moi, j'estime qu'en tant que doyenne de la famille, tu dois être informée de tout ce qui est susceptible de... Bon, tu sais, Marie-Louise, moi, la famille, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Ok, j'ai géré, mission accomplie. Maintenant, je fais comme Socrate, je m'en lave les pieds. Sauf qu'il y a quand même un truc que je voudrais savoir, Zonzon. Qu'est-ce que tu fais avec cette poussette ? Ben, je la pousse. Une poussette, faut la pousser. Mais pourquoi faire ? Comment ça, pourquoi faire ? Tu les as vus, les autres, avec leurs cannes, leurs béquilles, leurs fauteuils roulants, leurs déambes déambulanteurs ? Regarde un peu de quoi ils ont l'air. On dirait des vieux, tous autant qu'ils sont. Alors qu'une poussette, c'est autre chose. Ça fait quand même plus jeune. Ça peut même faire jeune mère, tu sais. Sans compter, Ramona, que quand on fatigue, on saute dedans. Hop ! Et là, on fait carrément bébé d'un seul coup. Tu vois ? C'est ça l'astuce. T'es sûre ? Si je suis sûre, ben regarde Ursuline, je te montre. Non, attention ! Saute dedans, sardine ! Oh. Voilà ta boîte. Bon, attention, tu vas... Et voilà ! Allez, en route ! Poussez, jeunesse ! Poussez ! Oui, Zonzon, je pousse ! Bonjour, madame Zonzon. Alors, on fait son petit tour de jardin par ce beau temps? Dame, oui, monsieur l'aumônier. C'est l'aumônier. C'est qui? C'est l'aumônier. Mais attention, il fait aussi le pasteur, l'imam, le rabbin, le chaman, le marabout. Ah bon? Ben oui, il faut bien cumuler avec cette crise des vocations. Ah. Vous savez bien, madame Zonzon, que je ne me vante pas de mes fonctions. Restons simples. Appelez-moi Jean-Maurice, madame Zonzon, comme tout le monde. Quoi? Vous voulez rire? Mais madame Zonzon... Jamais de la vie, vous entendez? Jamais de la vie. Que j'appelle par son petit nom un nom du Seigneur? Jamais. En route, Pierrette. Allez, en avant. Éloignons-nous d'ici. Jamais, vous m'entendez? Jamais. L'appeler par son petit nom? Un nom? Non, mais... Je comprends rien, mais c'est quoi un noir? Lui faire danser le Charleston aussi, peut-être? C'est quoi un noir? Et puis quoi encore? Bienvenue. Jamais. Voilà, maintenant, je suis énervée. Mais moi aussi, je suis énervée. C'est quoi un noin? Enfin, quoi, Mélusine? Tu n'as jamais entendu parler de l'huile sainte? Mais tu sais, moi, à part l'huile de tournesol et l'huile d'olive... Eh ben voilà, l'huile d'olive. Tu ajoutes un peu de baume de Judée, tu mélanges, ça te donne du Saint-Crème, t'attends le jour des saints sacrements et tu verses. Ça fait un oin. C'est pas bien compliqué. Tu sais pas ça à ton âge, Bécassine? Je comprends rien. Oh, jeunesse. Allez, pousse! Allons faire une promenade dehors sur le trottoir. 5 minutes et je m'en vais, je me tire cassos. Vous sortez, madame Zonzon? Oui, nous sortons. Nous allons faire quelques tours de roue sur le trottoir. Ça va nous ventiler les chakras. Prudence, prudence, madame Zonzon. En cette saison, le serin tombe et la rue n'est pas chauffée. Le serin tombe... Est-ce que le serin est en oin? Mademoiselle, il est interdit de secouer les résidents. Putain, c'est graffiti, j'arrive pas à le croire. On est pas mal assis dans cette poussette, mais... C'est vrai, quoi, qu'ils aillent graffer le monument à Zidane, le spa de Paris Hilton, la statue de Sarko, ok, mais pas une maison d'harmonie. Elle est plus haute que ce que je pensais. Où c'est qu'il est, le trottoir? Ça fait trop de la peine à voir, ça. Ah, c'est pas très commode pour descendre, hein. Si j'essayais en arrière... Putain, mais c'est abusé, mais y a plus de respect pour les vioques. Ouf, faudrait pas qu'elle bascule trop, quand même. Bon, je me casse, Zonzon, je vais te ramener à l'intérieur. Ah, attention, Zonzon! Oh, mes bombes de peinture! Anne-Laurence, sois mignonne, ramasse-les-moi! Tu as vu ma fresque sur le mur? Ta fresque? Quoi? Tu veux dire, Zonzon, les graffitis de la mort, là, sur le mur, c'est ton œuvre? Ça t'épate, hein? Depuis quelque temps, je fais des progrès inhumains. 3 minutes, je marche. J'ai toujours été très douée en art. 2 minutes. Quand j'étais élève au Sacré-Cœur de Choisy-le-Roi, il y avait une fille qui s'appelait Louise Bourgeois. J'étais bien meilleure qu'elle en broderie florale. 2 minutes, je me casse en courant pendant qu'elle a le dos tourné. Et je lui kidnappe toutes ces putains de bandes de peinture. Ni vue ni connue, vas-y que je t'embrouille. Elle remarquera que dalle, elle s'en contrefout de ma pomme. Dans 1 minute. Eh ben, elle a complètement dégoûté de l'art. Elle est partie en Amérique. C'est pour dire... Attention. Go. Oh, le goûter, c'est l'heure du goûter. Fissa. Sinon, Elmire Landouillon va encore s'empiffrer ma part de flanc. Je connais l'oiseau. Bon ben, salut, hein. Et surtout, t'inquiète pas pour la poussette, hein. Je te laisse à l'accueil. Ouais. Non. Bah non, j'ai pas pu venir parce que je suis allée visiter mon AGM. Enfin, elle s'en fout que je la visite, j'irai plus. Hein? Mais non, mais encore une fois, AGM, ça veut pas dire aïeul génétiquement modifié. Et la maman? Dans sa chambre. Maman? Non, faut pas la déranger, elle se repose. En plein après-midi? Avec papa. Tu vois ce que je veux dire? Elle se repose. Avec papa. Tu veux que je t'en mette une? Les darons se reposent dans leur chambre. Ne pas disturber. Tu veux que je t'en mette une demi-livre? Pauvre Morbac. Maman? Maman? Maman? Nous dormons, Agrippine! Mais c'est XX urgent! Quoi? Voilà. Imagine que t'aimes bien une personne, enfin genre t'es raccord avec, quoi. Pas le love ni rien, mais t'aimes bien la voir. C'est juste l'over-rythmie entre vous, même si vous n'avez pas le même âge, quoi. Et subito, un jour, elle te fait X chier... Et elle t'énerve à mort, et tu veux la tuer, hein? Est-ce que c'est normal? Oh oui, c'est normal. Croisons mon expérience, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Ça m'arrive tous les jours. C'est d'une banalité à pleurer, ok? Mais c'est pas la peine de hurler, je suis pas loin, je suis juste derrière la porte. Je sais! Et maman, c'est quoi un noin? C'est un emmerdeur! Au féminin, une noine! lèvres. Putain, pour casser une ambiance, ta fille, elle est un peu du bâtiment. Ah bah remarque, grand-père était maçon, peut-être que c'est dans les gènes. Oh, tu parles. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance puisqu'on divorce. C'est vrai, suis-je bête, j'ai oublié. Bah tu vois. Du coup, on n'a plus du tout d'obligation. Ah, plus du tout. Oh, qu'est-ce que c'est bon d'être débarrassé du conjugal. Oh, t'as raison, ma poule. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, c'est bon. C'est le troisième épisode de l'Agrippine. Ah oui, de Claire Bretéchet. Oui, c'est ça. Ah, ouais. C'est ça. Et du coup, Agrippine, c'était Annelise... Anne Burger. Ah oui, c'est ça, Anne Burger. Oui, il y avait Carole Franck aussi. Ouais, Guillaume de Tonquédec. Ah oui, et Igor Medzinski aussi. Oui, c'est ça. Oui, Rosine Favem et puis Marie-Pierre Marie-Pierre Cazé, mais c'est ça. Teresa Ovidio. Oui, et Bénédicte Cerruti aussi. Olivier Clavry, je me souviens. Sidonie Laurence et Jean-Christophe Frech. Et oui, et Patrick Mandon. T'es sûr? Attends, je me demande. C'est pas Brigitte Faure? T'as raison. C'est Maurice Anthony que je préfère. Ah oui, ouais. Et Anna Gaylor, ça fait un peu Gloria Gaynor. Ouais, moi, c'est pas mal. Mais Morissette. Pas mal, Morissette Gourdon. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais, Morissette. Je crois que c'était tout, hein, le troisième épisode. Il n'y a plus, là. Ouais. Et on a bien aimé, quand même. Grippine. Oui, c'était bien Grippine. Agrippine. L'intégrale d'Agrippine est publiée aux éditions... Ah ben, tu sais quoi? Aux éditions Bretéchet. Voilà. Et qui c'est qui a fait tout ça? Mais c'est Kiki qui l'a fait. Bah, c'est Kiki. C'est Kiki qui l'a enregistré, qui l'a fait le bruitage. Et moi, c'est Sophie Bissante. Oui, le bruitage Sophie Bissante. Oui, merci Sophie. La prise de son et le montage et le mixage, il y avait... Éric Boissé et puis Émilie, elle a un nom marrant, Émilie Couette. Couette. Ouais, c'est ça. Et l'assistante à la réalisation. Ah, c'est Clémence Grosse. Ben oui. Et le réalisateur, Cédric Ossier. Cédric Ossier.